rien. Je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terre. La main consolée, je marche avec mon sauveur. Oh non, jamais, non, jamais tout seul. Eh non, jamais, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais, non, jamais tout seul. Eh oui, non, jamais, non, jamais, tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Eh oui, non, jamais, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais non me laisse seul. Sinon jamais, jamais tout seul. Eh oui, non, jamais, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière. L'aube matinière, terre en elle, comme au jour. Jésus, ma lumière. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue, je perds de vue la terre à Dieu. Oh, à travers la nuit, Jésus m'a montré les yeux, et non jamais, jamais tout seul. Non jamais, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Eh hey, non, jamais, non, jamais tout seul. Ah oui, non, jamais, non, jamais tout seul. Mon Jésus, mon sauveur, me garde. Et ne sais jamais tout seul. Les dangers à court. Danger à court, nous ils accourcent, tel inconnu. Des présents m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage, ne crains rien, ne crains rien. Courage, je suis toujours avec toi. Oh non, jamais, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse faire, et non jamais. Et non jamais, nous, jamais tous. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Marchant et vivant par la foi. Dieu qui nous a appelés est fidèle à ses promesses. Les paroles de sa bouche sont infaillibles. Elles soutiennent notre confession, notre témoignage. Elles soutiennent notre langage en tout lieu. Sachant que nous servons un Dieu vivant. Il est immortel. Il est immuable. Il est omniprésent. Omniscient. Omnipotent, tout puissant, il sait ce qui nous tient à cœur. Il répond exactement à cela. Il pourvoit précisément à nos besoins. Il guérit efficacement nos maladies. L'homme fait en partie. Mais Dieu fait en totalité. L'homme connaît en partie. Mais Dieu connaît tout en détail. Vivant par la foi. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous remercions pour ce moment d'adoration et prière qui te poursuit encore par ta grâce et l'atmosphère spirituelle que tu as mis dans nos cœurs. Restez attentifs devant le Seigneur et te dire ce que nous avons à cœur. Tu as tout vu et entendu. Rien n'est caché devant toi qui sais tout. Nous te prions d'exaucer abondamment et d'exaucer particulièrement, que vous individuellement chacun, et que notre église soit soutenue par le surnaturel. Nous ne pouvons pas être église sans une connexion au surnaturel. Nous voulons que le surnaturel soit présent, qu'il se manifeste comme le Dieu de Moïse, par l'effort de l'homme, mais par l'amour de Dieu. Ce n'était pas les efforts de Moïse qui ont produit les buissons ardents, mais c'était l'amour de Dieu qui est venu à la rencontre de Moïse. Nous voulons le même Dieu immuable venant à notre bassesse pour nous sortir de la boue, nous sortir de l'infériorité et nous élever au bon endroit, nous donner la position dans la gloire et dans le royaume. Nous prions le Seigneur et bénis la suite des temps ici ensemble au nom de Jésus-Christ, notre Dieu de vérité. Prions ici. Amen. Amen. Ok, nous allons lire un extrait de la parole ici en guise d'exhortation pour boucler notre soirée d'aujourd'hui. Romains chapitre 15, nous voyons ce qui est écrit au verset 5, le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. bondisa asunga bino kofanda na motema moko kati na Kristo Yesu. Ete motema moko mpena mongongo moko bino bokumisa Nzambe Tata na Nkolo na biso Yesu Kristo. Yango wana bonyangela mapela moko Kristo asili kunyangela bino pona tembo na Nzambe. Hébreux chapitre 13 verset 15. Baibele mokapwazomi na misato molongwazomi na mitano. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Bongo pona ye totombo la Nzambe mbekana masanjoli tango yoso yango mbumana bibebu. Bibebu bijali kuyambula kombo na ye. Que Dieu bénisse la lecture de cette portion de sa parole. Nzambe apambola eteni ya botangelo bana yo. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kokovanda na kombo na Yesu Kristo. C'est tellement merveilleux. Ezali malamu mingi. Les voix du Seigneur, sa vérité, sa parole. Nzela na Nzambe solo na epeli lo bana ye. La manière de nous conduire. Olenge na kotambisa biso. Nous sommes rassemblés pour l'adoration. Tosangani pona kogumba mela. Pas une soirée de prédication. Ezali te pokwa ya litea. Alors, pasteur Gauthier est venu pour la prédication de l'évangile. Vateli Gauthier pona litea. Pas pour conduire les réunions d'adoration. Alors, il m'a demandé que nous puissions tenir notre réunion d'adoration aujourd'hui. Alors, vous savez que la réunion d'adoration était une réunion interne. Hein? Et ça fait partie de la vie de l'assemblée. Donc, vous demandez qu'une église qui ne prie pas est loin de Dieu. Il faut que l'église ait des moments où il prie ensemble. Où les membres de l'église prier ensemble. Donc, cela peut se faire par groupe à gauche, à droite. Enfin, un groupe de frères ici, un groupe là-bas, un groupe ensemble pour alimenter le feu spirituel. Mais ça doit aussi se faire ensemble. Nous réunissons essentiellement pour prier. Pas pour danser, chanter, faire des choses. Mais essentiellement prier, adorer Dieu. Ensemble, d'une seule bouche. C'est important. Quand ça se fait en groupe, par endroit, écoutez ce que dit Frère Branham, dans la prédication, l'ordre de l'église, le 7 octobre 1958, quand il y a des groupes, des endroits et tout. Paragraphe 48. Et à toutes les réunions de prière, là où les gens sont rassemblés en groupe, à une réunion de prière, le pasteur doit être à chacune d'elles. À toutes les réunions de prière, là où les gens sont rassemblés en groupe, à une réunion de prière, ça c'est la vie de l'église. Le pasteur doit être à chacune d'elles. Est-ce que chacun comprend, il dit amen? Même si c'est des groupes ici, des groupes là-bas, chacune de ces réunions, le pasteur doit être là. Quand il n'est pas là, attention. Même si vous êtes frères et sœurs rassemblés, vous êtes frères et sœurs attention. Parce que idéalement, il doit être là. Il ne devrait jamais être laissé à n'importe quel individu. Non, on ne devrait jamais laisser n'importe quel individu. Propre nom et tous les éléments individus pendant qu'il parle de la vie de l'église où il y a des frères et des sœurs. Donc, il ne devrait jamais être laissé à n'importe quel individu d'aller conduire de telles réunions. Prenez un individu, vous le dites, allez conduire ça. Là où il y a les âmes des élus du Seigneur. Les précieuses âmes pour lesquelles Jésus a versé son sang. Vous ne pouvez pas mettre à l'air tête n'importe quel individu pour conduire le moment de prière. On ne peut pas laisser ça à n'importe quel individu. Ça, c'est la vie de l'église. Ce n'est pas de l'extrémisme, mais c'est la précision de la parole. Vous négligez ça, vous en aurez pour votre compte. Il ne devrait jamais être laissé à n'importe quel individu d'aller conduire de telles réunions. Car nous avons découvert qu'ils sortent de la ligne de la doctrine. Quand vous laissez des individus là aller faire ça, ils vont sortir de la ligne de la doctrine. L'autre traduction dit, mais là on découvre souvent qu'il déraille en doctrine. Déraillement. C'est à des moments comme ça. Et vous avez laissé n'importe quel individu aller conduire ça. Donc on déraille en doctrine. Et ensuite, il provoque. Il ramène cela dans l'église. Eh bien, des fois, cela amène des hérésies. Et autre chose qui n'appartiennent pas à l'église du Dieu vivant. Ça amène des fois où, dans le groupe là, les petits rassemblements, 3-4 frères là-bas, 5 là-bas, et puis, ils commencent à concevoir des choses qui ne sont pas de la vérité. Et ils amènent ça dans l'église. Alors, comme remède, le pasteur doit être à chacune des réunions. Ne dites pas le pasteur est trop fatigué. Non, il doit être là. Aussi, le pasteur devrait être à toutes les réunions de prière partout où il y a des réunions ou des rassemblements. Il devrait savoir ce qui se passe là-bas, ce qui se fait là-bas. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc l'église doit montrer qu'elle est vivante, qu'elle n'est pas séparée de Dieu à travers les moments de prière. C'est pas que dans les moments de prière, les gens commencent à profiter pour somnoler, pour bailler et même faire des rêves à l'église. Non, il faut manifester la vie de la parole. Et ici, dans les écritures, ce n'est pas impossible. Alors, connaissance réalité, le prophète dit ceci, dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. La voie à laquelle Dieu a pourvu, prêcher le 13 mai 1953. Non, le paragraphe 8e. Il dit, si vous êtes converti au cours de ce réveil ici, et que vous n'avez pas encore d'église que vous avez commencé à fréquenter, je vous demanderai de vous joindre à cette petite église. C'est un merveilleux petit endroit ici, où venir servir le Seigneur. Tel que vous êtes venu là. Tel que vous avez participé à cette réunion-là. Vous sentez que vous avez servi le Seigneur? Amen. Anne d'autre fois servait le Seigneur dans le jeûne et la prière. Donc, quand vous prenez le moment de prière, c'est un service que vous rendez à Dieu. Donc, votre prière est un service que vous rendez à votre Dieu. Prends conscience de ça. Quand tu jeûnes aussi, le moment de jeûne que tu sacrifies là, c'est un service que tu rends à Dieu. Donc tu sers Dieu dans le jeûne. Tu sers Dieu dans la prière. Et si moi je sers Dieu dans la prédication. Et quand je prie, j'offre un service à Dieu. Quand nous jeûnons, nous rendons un service à Dieu. J'espère que c'est clair pour chacun de vous. Faites-le avec persévérance. Faites-le avec amour et conscience. Sachez que votre service à le Seigneur ne sera jamais vain. Dieu a promis de vous récompenser pour le service que vous lui rendez. Que ce soit par le jeûne, que ce soit par la prière. Ok, il dit ceci. Si vous n'avez pas d'église, vous avez déjà commencé à fréquenter, je vous conseillerai Je vous demanderai de vous joindre à cette petite église ici. C'est un merveilleux petit endroit. Ici où vous pouvez venir et servir le Seigneur. Et notre petit tabernacle vous offre cette possibilité-là. Il vous offre la possibilité de rendre service à Dieu dans les prières et l'adoration. Nous ne pouvons pas venir s'ennuyer, croiser les bras et regarder l'horloge, compter les minutes. Non, vous venez, c'est le jour d'adoration, mais pour rendre service à votre Dieu en lui offrant les meilleures prières que vous savez. Dali mokolo ya kugumba mela kana lulengi oyo ko kubondela. Offrir au Seigneur la meilleure adoration de votre cœur. Tanzambe kugumba mela malamu ya motema na. Et le faire de manière que Dieu soit satisfait de vous. Sala ngona lulengi tanzambe asepela na yo. Soit content de ce que vous lui aurez présenté. Asepela oyo sili ko pesa e. J'espère que vous apprenez quelque chose. Na bande te bozali ko yo kola loko moko. Une routine, un formalisme. Comme ça mon mentalité. Une puanteur que Dieu va désapprouver. Solo tanzambe kosila ko ya ngo. Au Seigneur le meilleur que nous pouvons. Car il le mérite. Alors, si j'habitais dans les parages, je serais membre de cette église. Bon, j'en suis membre de toute façon. Je suis un pasteur associé. Je dois revenir de temps en temps pour voir comment l'église évolue. Et je regarde, vous savez, je reviendrai donc vous rendre visite. Le Seigneur voulant très bientôt. Et alors, vous tous qui êtes dans les parages, dans ces ville, vous qui êtes membre de ces églises, allez à l'église chaque jour. C'est chaque jour. Est-ce que nous pouvons pratiquer ça? Chacun de nous peut aller à l'église chaque jour. Chacun de vous. Allez à l'église chaque jour. Intériorisez ça. N'ayez pas des jours que vous élaguez, que vous criaillez, et que vous savez que là vous n'irez pas à l'église. Le message vous dit d'aller à l'église chaque jour. Et nous sommes censés faire cela chaque jour. Sans tergiverser. Vous savez, vous comprenez moi. Non, allez à l'église chaque jour. Nous devons le faire chaque jour. C'est pas impossible quand vous le voulez et quand vous y croyez. Quand vous croyez son message, ce n'est pas impossible à réaliser. Vous intériorisez ça, et vous programmez tout en fonction. Quand il y a culte, vous êtes à l'église. Quand il y a empêchement majeur, indépendant de votre volonté, quelque chose qui pèse sur vous. Okay. Alors, il dit, allez à l'église chaque jour. Chaque jour que vous le pouvez. Quand tu as le pouvoir d'y aller, vas-y. Chaque jour que vous le pouvez. Chaque jour qu'il y a service. Il y a service à l'église, soyez là. Ne vous absentez pas. Ne vous dérobez pas, vous ne t'éteignez pas, mais allez-y, soyez là. Chaque jour qu'il y a service, allez, assistez à votre église. Soyez très dévoués. C'est un service que vous rendez à Dieu. Quand vous allez à l'église, soyez très dévoués. Alors, il dit, soutenez donc votre église. Suivez encore. L'église, c'est bien. Soutenez votre pasteur. Dis-toi, si toi tu ne viens pas, il va prêcher à qui? Et si tout le monde faisait ce que tu fais, d'être un fouillard et tout. Donc, ton pasteur, là, va prêcher à qui? Au bas? Au vide? Dis-toi, il est là. Soutenez votre pasteur. Aidez-le avec tout ce que vous avez. Aidez-le avec tout ce que vous avez. Toujours la parole, hein. Avançons encore. Donnez-lui un soutien spirituel. Donc, Vous ne venez pas à l'église que pour recevoir le soutien spirituel de la part de votre pasteur. Brebis à sens unique. Voilà. Lui, pasteur, il ne donne aucun soutien spirituel. Il ne donne aucun soutien spirituel. Suivez ce soutien-là. Voilà. Donnez-lui un soutien spirituel. C'est ça, maman, molimo, penza. Qu'est-ce? Jeûner et prier pour lui. Kokila peko bondela pona ye. Na jeûne pona musala pe, pona salaire pe, mais na jeûne pona pasteur. Oui. Jeûne mobimba kaka pona pasteur. Attends, il y a 3 jours. Eh frère, sœur, ozo jeûne pona, na o jeûne pona ministère pasteur na biso. Rien d'autre que ça. Moi, je ne mange pas. Vous donnez le soutien spirituel à mon pasteur. Vous pensez que si tous les croyants forcent ça, l'église va stationner? Mais on va progresser terriblement. Parce qu'il y a des gens qui ont saisi la mission, qui ont compris le message, les affaires du royaume, qui ne viennent pas pour des choses de la terre, mais qui veulent que le royaume spirituel... Qui a déjà gêné pour le pasteur? Nani a cela kokila pona mobateli? Parmi vous, levez un peu les doigts. Kati na bino botombola maboko. Un jeune pour le pasteur. Ubele kokila mokolomoko pona mobateli. Regardez l'auditoire. La main, c'est lui qui a déjà gêné pour le pasteur. Oyo a cela kokila pona mobateli. Je vois un doigt là, timide. Timide, hein? Na moloboko moko ezali. Nous venons d'apprendre. À vous maintenant d'appliquer. Vous êtes maintenant. Si dernièrement, gêné pour le Saint-Esprit, on n'a pas pu. Maintenant, gêné pour le pasteur. Vous êtes maintenant gêné pour recevoir le Saint-Esprit. On a raté la tête, on doit trouver des persécutions. Et on a raté une occasion en or pour se mettre à regretter après. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment je peux louper une occasion comme ça? Maintenant, au-delà de ça, gêné pour votre pasteur. Donnez-lui un soutien spirituel. Vous l'aidez avec tout ce que vous avez. Et vous lui donnez aussi un soutien spirituel. Gêné et priez pour lui. Il a fait bonder là pour je ne vais pas demander qui a déjà prié pour le pasteur. Je sais que plusieurs l'ont déjà fait. Mais c'est la question. Voilà, mon gêné pour le pasteur. Pour qu'il a pour et ayez foi en lui. Bon et Dieu continuera à conduire l'église. Jusqu'à ce glorieux jour dont nous attendons vivement l'arrivée. Peu importe que certains disent, eh bien, notre église ne croit pas. Eh bien là, tant que vous croyez les principes fondamentaux, et que vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, eh bien, vous croyez peut-être que Christ vient sur un cheval blanc, et d'autres croient qu'il vient sur une nuée blanche, mais cela ne l'arrêtera pas de venir. Il vient de son programme, c'est sa promesse. Amen. Mais non, il vit digne de l'évangile. Amen. Agréable au Seigneur qui nous voit. Amen. Dieu te voit, seul, Dieu te voit partout. Amen. Fais en sorte de lui être agréable. Amen. Vous voyez? Cela ne l'arrêtera pas de venir. Amen. Il va de toute façon venir. Amen. Et si donc croyez simplement en lui. Amen. Voyez? Amen. Il sera. Amen. Ainsi donc j'apprécie. Amen. Hein? Amen. Le Seigneur, il a donné sa vie à Golgotha pour nous permettre de confesser son nom. Amen. Et son programme est que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. À la gloire de Dieu notre Père. Amen. Ici dans Philippiens chapitre 2, vous le savez. Verset 9 à 12 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Mingi pe apesi kombo koleka kombo mosusu yonso. Eti na kombo na Yesu mabolongo yonso magumbama. Yango na likolo pe yango na mokili. Pe yango na se na mokili. Pe ete ndembo yonso iyambolaka ete Yesu Kristo ye nkolo kuna nkembo na Nzambe Tata. Toute langue doit confesser. Mais cette confession commence dans les milieux chrétiens. Par les chrétiens et les chrétiennes d'abord. Ils doivent prêcher par l'exemple. Eux doivent prêcher par l'exemple. Ils doivent démontrer que le nom du Seigneur est dans leur bouche. Quand on écoute ce chrétien parler, on écoute celui-là témoigner, on dirait qu'ils ont été dans une même école et qu'ils sont nés d'une même famille. Le langage est identique. C'est le nom du Seigneur qui doit être confessé. On ne doit pas trouver un autre nom dans vos bouches. Le nom du Seigneur, votre Rédempteur, qu'il soit confessé sans cesse. Si tel est l'objectif de Dieu, que toute langue de tout homme sur la terre de Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur, on va atteindre ce niveau-là. Et pourtant le monde est fait d'incroyants et de pécheurs. Mais l'évangile est en train de gagner le terrain. Nous allons partout avec le message pour gagner les âmes. Et dans notre chaîne de prière de vendredi, nous réclamons aussi ça. Bénisse l'église, la soutienne, la loin de Saint-Esprit et de force pour réussir l'œuvre missionnaire, pour gagner les âmes à Christ, que le nombre de disciples augmente comme au commencement. Nous devons gagner de plus en plus d'israélites pour que ceux qui ne confessent pas ce nom deviennent comme nous, et aussi confessent le nom du Seigneur. Et pour millénium, et il y a une personne qui ignore le Seigneur. Et que des survivants et des rachetés le Seigneur et connaissent qui est. Mais avant d'y arriver, c'est la charge des chrétiens. Et comme nous l'avons lu dans Hébreux 13 ici. Par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange à Dieu. Et quel est ce sacrifice de louange? Le fruit des lèvres qui confesse son nom. On a lu verset Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse, c'est-à-dire en permanence, continuellement, sans relâche, de façon ininterrompue. Tu dois le faire du matin au soir et du soir au matin. Offrir à Dieu un sacrifice de louange. Qu'est-ce que ça signifie? L'Écriture explique. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Bongo ponaye. Confesse son nom, pardon, Kabouche. Totombo et l'anzambe, il est cana masanjo litango yonso. Yangombo manabibebo. Que nos bouches soient similaires. Vous savez que si du matin au soir, les païens constatent ça, ce sera une fois qui va les persuader encore. Ça va créer en eux la soif d'être comme des chrétiens. Parce qu'ils sauront que les chrétiens sont une vraie force. Mais ils ne sont pas les chacun pour soi, chacun à sa manière. Mais ils ont ce qu'ils déclarent posséder. Une identité qui n'est pas forgée par la main d'homme. Ils ne sont pas ici de même clan, même tribu. Mais la parole qu'ils croient les a rendus tellement semblables que partout ils sont pareils. Ça va amener le monde à avoir cette unité-là et savoir que Christ était véritablement l'envoyé de Dieu. Mais quand nous sommes chacun à sa manière, il y en a qui s'appellent chrétiens mais qui confessent les péchés. Ah, non, Nous sommes chrétiens. Vous allez voir Christ. Le nom de notre Sauveur, c'est Jésus-Christ. C'est un nom de sainteté. C'est un nom de séparation d'avec le péché. Un nom de haine des choses du monde. Il faut que cela se reflète. Quiconque invoque le nom du Seigneur, il doit s'éloigner de l'iniquité. Le monde a besoin de voir ça. Et les chrétiens sont pareils. Partout, quand vous les abordez, les langages, de leur bouche, c'est le même son. C'est le même langage. Les mêmes louanges. Les mêmes manières, les mêmes sentiments. Amen. Est-ce que c'est bien possible? Le Seigneur le dit parce que c'est possible. Que chacun se ressaisisse. Vous voyez, nous avons lu la même pensée dans Romains 15. Oh, à quel point nous sommes encore loin du but. Que chacun s'examine un peu là. Romains 15, le verset 5. Que le Dieu de la persévérance. C'est pas un Dieu de relâchement. C'est pas le Dieu de rétrogradation. Un Dieu de haut et de bas. Un Dieu de tantôt plus tôt. Il est le Dieu de la persévérance. Vous avez entendu sa parole. Vous avez témoigné croire en lui. Votre bouche confesse son nom. Faites-les sans cesse. Sans interruption. Sans arrêt. Confessez son nom. Parlez de lui. Témoignons de lui. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments. Les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Sika ete nzambe na mpiko pena kubondisa asunga bino kufanda na motema moko kati na Kristo Yesu. Afin que tous ensemble, pas divisé, sika ete tokabwani, mais très unis, bien coordonné par le même Saint-Esprit, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, une bouche qui dégage le même langage, qui exprime les mêmes pensées, que tu sois chétif ou géant, nouveau croyant ou ancien, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ete motema na moko pe na mongongo moko bino boku misanzambe tata na kolo na biso Yesu Christo. Mais comment y arriver sans révélation? C'est aussi ça le terme qui nous a été commencé ici. L'importance de la révélation. S'il vous plaît. Sans révélation, comment l'Église faite des hommes et des femmes, d'âges différents, des clans et des tribus différents, des nationalités différentes, comment peuvent-ils exprimer un même langage comme s'ils étaient une seule bouche? Non, il faut que le même esprit révèle à chacun d'eux les mêmes choses, la même vie chrétienne, au sujet de cette vie spirituelle. Qu'en est-il? La nouvelle essence, c'est pourquoi il faut que ce soit la même révélation, qui sera que quand il s'exprime, on regarde ceci, on dirait qu'il est Ils parlent presque de la même façon. Ils vivent de la même manière. Parce qu'ils sont la même foi. Ils sont nés d'un même père. Ils sont la même nature. Le même évangile. Le même message. Nous disons amen. Je ne vois pas trouver ici des pasteurs qui engrossent des cercles dans l'église. Et là-bas des pasteurs qui condamnent l'iniquité. Et d'autres, oh non, vous savez, la grâce d'autres pasteurs ne comprennent pas bien. Il est en train de vivre dans la débauche. Mais il est quand même pasteur. Et il a des acolytes qui l'écoutent dans les bêtises. La vie chrétienne n'est pas divisée. C'est la vie de Christ lui-même. Ou soit vous la possédez, ou soit vous ne l'avez pas du tout. Quand elle est là, elle est la même dans tous les croyants. Et quand vous devez vous exprimer, c'est la même pensée, la même vie qui va après. Toi, tu demanderas au Seigneur, oh Dieu, donne-moi ça. Ne me le prive pas. Je ne veux pas moins que ça. Je veux exactement la vie de cet évangile. Cette vie qui avait solde de taxes. Qui avait la porte de pierre autrefois. Qui avait le dans notre temps. Que mon pasteur aussi possède là. Je ne veux ni plus ni moins que ça. Cette même vie là. Dieu a promis d'exaucer tes prières au nom de Jésus. As-tu confiance? Et tu dois savoir ce que tu demandes. Et tu ne vas pas dire, oh non, si le pasteur lui est comme ça, ça c'est lui. Et si le pasteur est comme ça, ça c'est la grâce que Dieu lui a faite. Moi, je fais tout ça à ma façon. Non, nous devons avoir une seule bouche. Notre langage doit être pareil. C'est comme ça que Dieu l'a voulu dans l'église primitive. C'est comme ça que Dieu le restaure au temps de la fin. Dans notre temps. La même chose doit revenir. Alors, nous nous accueillons les uns les autres. Comme le verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, mais pour la gloire de Dieu. Yangoana, Bonyangela, Mapela, Moko, Christo, Ajali, Konyangela, Bino, Pona, Kembo, Nzambe. Je t'accueille comme mon frère. Zaliko, Yambalo, Konande, Konangai. Je constate à un moment donné, Namona, Tango, Moko. Que toi, dans ta vie, l'objectif, c'est pas la gloire de Dieu. Nabo, Mouna, Otine, Zali, Kembo, Nzambe. C'est la gloire du monde et de Satan. Zali, Kembo, Na, Moki, Lipé, à Satan. Toko, Bakotambo, Le Longo. On verra que ta bouche et ma bouche sont différentes. Ton langage et les liens ne sont pas les mêmes. En quoi sommes-nous frères? Vous allez nini, Mande, Konangai. Vous nous mais nous nous accueillons les uns les autres. Et il y a les mêmes sentiments pour suivre les mêmes objectifs. C'est notre langage, nos gestes, nos actes servent à la gloire de Dieu. Toi tu cherches la gloire de Dieu, moi aussi la gloire de Dieu. Tu commences à chercher la gloire de toi-même. Parallèlement, je cherche la gloire de mon Dieu. Nous sommes déjà différents. Notre bouche n'est pas similaire. On ne saura pas marcher parfaitement. Et ne nous engoulez pas. Chaque nature se reflète. Chacun doit dévoiler ce qu'il détient dedans. Le but pour lequel tu viens à l'église. Nous nous accueillons les uns les autres. Pour la gloire de Dieu. Donc, moi je cherche la gloire de Dieu. Lui aussi cherche la gloire de Dieu. Elle aussi cherche la gloire de Dieu. Plus que sa propre gloire. Plus que la gloire d'un groupe. Plus que la gloire des individus. Alors nous sommes frères. Et quand nous allons nous accorder pour demander quelque chose à Dieu, Dieu qui sonde le cœur de l'un, qui connaît les profondeurs de chacun, ne pourra pas s'empêcher de nous l'accorder. Parce que chacun nous avons les mêmes sentiments. Nous sommes unis. Nous sommes sincères. Sans hypocrisie. Est-ce que l'église dira amen? L'église, que l'église dise amen. L'église, que l'église soit bénie. L'église, que cette exhortation trouve une place dans votre cœur. Comme une parenthèse, hein. Entre deux sermons, et l'importance de la révélation. Ok. Lève-nous pour la prière. C'est pela mwana zambe pe ya yesu eya ya yesu atola e panyo sa te eya onde come ma me ma pa na yesu kunaku ana ekolo ekolo soba yakapeba bangopeba pona yesu kristo ome mame mapata na yesu akana kuna na ekolo ekolo sabah yakapeba pona. Corona, Colo Jésus Christ, Eya Teya Komona Ye, Soteya Teya Yeso, Teya Yeso, Lo Be Kweza Le Na Ye. Come papa papa tona yes kuna kuna na ikulu ekolo soba yoka pe papa banda papa na yes Kristo Kristo ame papa Baba tona ye kuna kuna na ekolo soba yoka pe babo bango babo na ye Kristo Kristo mema me masango mala Eya, eya yeso, eya yeso, le pote na yesha le teya te, eya, onde kome babe, baba tona ye, kuna kuna na. Ekolo, ekolo soba, yoka pe bapo, bando bapo na ye. O Kristo, deko me bapo, bapo, to na ye. Tukuna kuna na, ekolo, ekolo soba. Yaka pe bapo, bando bapo na ye. O Kristo ne kome bapo, mapa to na ye. Sukuta kuna na, oloso opa yaka pe bapo na. Prions chacun. La prière est une présence. La prière, c'est la solution. Mon Dieu, la prière, c'est un dialogue. Un chrétien vit avec et mon prier à prière d'une présence. La prière c'est la solace. Oh ami, la prière est un dialogue d'un chrétien Église a prié, prié encore, de présence, la prière, c'est la solace, vous aimez la prière, saint dialogue, saint chrétien, vous avec mon frère a prié, ma sœur a prié, une puissance, la prière, la solution, mais la prière, saint dialogue, saint chrétien, ou avec mon âme et prière, qui est toujours la puissance, la prière, c'est la solide. Où met la prière, Saint-Gel, dans cette temps, oui, avec mon âme est priée, une puissance, la prière, c'est la solution. Oh, mais la prière, dans dialogue, dans chrétien, oui. Famille a prié, maman prié, une puissance, la prière, la solution, aimer la prière, dans dialogue, dans chrétien, oui, avec couple chrétien, prier la prière. Est une puissance, la prière, la solution, amener la prière, un dialogue, un chrétien, avec son Dieu. Dans la marche de cette petite église, nous nous souvenons de cette mélodie que nous venons de chanter. Il a été entonné pour la première fois parmi nous par le défunt pasteur Robert Libaté. Les hommes peuvent passer, mais les principes demeurent. Les serviteurs peuvent s'en aller. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Ce n'est pas lui qui avait composé. Mais nous avions eu à apprendre ça par son canal. Et jusque là, on chante souvent le refrain. Mais ça, des strophes, hein. La prière. La prière. La prière. La prière, une puissance, la prière, c'est la solution. La prière, un dialogue, un chrétien, oui, avec. Et mon prier, la prière, c'est la puissance, la prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Dieu merveilleux, notre Père Céleste, nous te remercions pour cette soirée d'adoration et prière, la manière dont tu nous as conduits dans la simplicité, où la parole a été lue et commentée, et pour notre édification, notre bénédiction. Seigneur, tu nous as entendus, tu nous as exaucés, tu agis en permanence, toi le Dieu de la persévérance, tu n'es pas le Dieu de relâchement, de la rétrogradation, tu es le Dieu de la persévérance et de la consolation. Si des situations nous surpassent, tu as en réserve la consolation pour ranimer notre persévérance et nous maintenir debout au front. Reste avec chacun, Seigneur, bénis notre moment de prière de donner à toi et cette nuit pour chacun des enfants de Dieu, que nous puissions occuper utilement notre temps, abandonner les futilités et les distractions et nous occuper des choses sérieuses du royaume. Unis nos cœurs dans le Seigneur et donne-nous une seule bouche, Seigneur, qui exprime la confession du nom de Jésus-Christ, qui témoigne la vérité du Seigneur, qui témoigne la sainteté, la condamnation du péché, la séparation des choses immondes, Nous reprochons contre les incrédulités. Nous voulons être pareils à Jésus-Christ. Tu es capable de le produire à nous. Pour que toutes les disparités, les différences, nous sommes la honte parmi nous. Soit balayé au complet. Que la chrétienté ne soit pas un slogan parmi nous. Mais que ce soit une vie commune. Oh Seigneur. Polo. Apporte ton soutien, mon frère. À ma soeur. Que ces choses que nous venons d'entendre ce soir, nous les intérioriser. Pour les pratiquer. Avec assiduité et persévérance. Que chacun vienne à l'église chaque jour. Chaque jour qu'il le pourra. Il soit là. Pour te servir dans la prière. Dans le jeûne. Dans l'écoute de la parole de Dieu. Faisant tout ce qu'il y a de mieux à faire pour le Seigneur. Et de manière à être agréable à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il soit loué. Et à Koumissama.